الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومديم النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاء على عباده من ظله، وأظهر دينه على الدين كله، أحمده على إظفاره وإظهاره، وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره، وتطهيره للشام من أدناس الشرك وأوضاره، والصلاة والسلام على من أعلى منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى a dit: combien de prophètes suivis d'un grand nombre de disciples ont combattu pour défendre la cause d'Allah sans jamais se laisser abattre par les épreuves, ni affaiblir, ni abandonner la lutte. Et Allah aime les gens persévérants. Et leur seul mot qu'ils répétaient était les suivants: Rabbana, pardonne-nous nos péchés et nos excès, affermez nos pas et accorde-nous la victoire sur les mécréants. Allah leur a accordé la récompense de ce bas monde et la belle récompense de la vie future. Et Allah aime les gens bienfaisants. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Qala Ibn Kathir fi tafsirih: ربيون كثير, c'est-à-dire un grand nombre de disciples. Qala Ibn al-Abbas wa Mujahid wa Qatada: jumu'un kathira. Wa qala Ibn Mas'ud: ربيون ay al-uluf. Wa qala al-Hasan: fuqaha'un ulama. Wa qila hum al-atba'u والربانيون الولاة، والربيون الرعية، وقيل منسوب إلى الرب، وهم الذين يعبدون الرب. وقوله سبحانه وتعالى: فما وهنوا، أي فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. Ils n'ont pas été affaiblis et ils n'ont pas été peureux pour faire le jihad. بما نالهم من ألم وجراح وقتل للأصحاب. par rapport à leur jihad et aux blessures qu'ils ont subies et aux morts qu'ils ont vues avec leurs propres yeux. وما استكانوا قال مقاتل وما استسلموا وما خضعوا لعدوهم وقال السدي وما ذلوا وقال عطاء وما تضرعوا وقال أبو العالية وما جبنوا ولكنهم صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. Et Allah aime ceux qui sont patients. والله يحب الصابرين. Et Allah aime les endurants. Et Allah aime les gens persévérants. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه البخاري والحديث صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: les épreuves ne cessent d'accabler le croyant ou la croyante dans sa personne, ses enfants et ses biens jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans avoir le moindre péché sur son compte. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه. Si Allah veut du bien à son serviteur, il l'affecte. Si Allah, ya Abdallah, te veut du bien, il t'éprouve. Il t'éprouve. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Les grandes récompenses sont le résultat des grandes épreuves. Et quand Allah aime une communauté, quand Allah aime un qaum, il les éprouve. Et celui qui accepte cette épreuve obtiendra l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'oppose à cette épreuve et qui montre son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. والحديث رواه الترمذي. Donc plus l'affliction est grande et plus la récompense est importante. Plus les épreuves sont importantes, plus la récompense est importante. Et comme il a dit le prophète alayhi salatu wasalam, peut-être que la personne aura un degré au paradis qu'elle peut, elle peut pas y accéder avec ses œuvres, avec ses actions. Allah Azza wa Jalla ne cessera de l'accabler d'épreuves. وبال بلوى وبالنكبات وبالامراض حتى يصل اياها. Allah Azza wa Jalla ne cessera de l'accabler, de l'éprouver et de le tester par les maladies, par les problèmes, jusqu'à ce qu'il arrive à ce degré qu'il y a au paradis. Jusqu'à qu'il arrive à ce degré qu'il y a au paradis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه والحديث رواه البخاري ومسلم. البروفيت عليه الصلاة والسلام يجي tous les maux, les maladies qui affligent le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladies, de soucis, de tristesse, des préjudices, l'affliction, jusqu'à l'épine qui le blesse, sont autant de motifs que Allah allège pour dessoudre et effacer ses péchés. Donc, ce qui t'arrive, ya Abdallah, Allah Azza wa Jal, jusqu'à l'épine qui te touche, Allah Azza wa Jal, yukaffiru laka biha al-khataya. Yukaffiru laka بها الخطايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إنما أمره كله خير إذا أصابته ضراء صبر وكان خيرا له وإذا أصابته سراء شكر وكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Et ceci est exclusivement au croyant. S'il lui arrive un bien, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un bien pour lui. C'est bénéfique pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente. Et c'est bénéfique pour lui. Et ceci, le prophète alayhi salatu wasalam, il dit, c'est exclusivement aux croyants. Et comme il dit Omar ibn Khattab radiallahu anhu, si la patience et le remerciement d'Allah étaient deux montures devant moi, peu importe laquelle je monte. C'est-à-dire que si je monte sur la monture qui s'appelle la patience, c'est pareil que si je monte sur une monture qui s'appelle le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le remerciement d'Allah azza wa jalla, as-sabr wa shukr, sont arrivés à un seul degré. Pour lui, c'est la même chose. Qu'il soit éprouvé ou qu'il soit comblé de bienfaits, c'est la même chose pour lui. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose. Alors que toi, ya Abdallah, est-ce que quand tu es éprouvé, pour toi, c'est la même chose que quand t'es comblé de bienfaits? Est-ce que quand tu as une épreuve dans ta vie, quand quelqu'un est mort dans ta vie, est-ce que c'est la même chose que quand ta femme accouche et quand tu as un enfant? Est-ce que c'est pareil? Médite bien cette parole de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il te dit que c'est la même chose pour lui. Regardez le niveau de foi qu'ils avaient, les sahaba radiallahu anhu. Donc le prophète alayhi sallam dit, je m'étonne à la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive, il lui est favorable. Et aucun autre a ce privilège. C'est-à-dire que, ici, le prophète alayhi sallam, il n'a pas dit le musulman, il a dit le croyant. Si une bonne nouvelle lui arrive, il remercie Allah, et c'est bien pour lui. Et si un malheur lui arrive, il patiente, et c'est bénéfique pour lui. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, anna an-nabiy alayhi sallatu wassalam, qal, سئل يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. والحديث رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارمي والترمذي، والحديث صحيح. البخوفات عليه الصلاة والسلام يجي On lui a demandé, on lui a posé la question, quels sont ceux qui subissent les épreuves les plus difficiles? Il dit, ceux qui subissent les épreuves les plus difficiles sont les prophètes, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. L'homme est éprouvé selon le degré de sa religion. Donc s'il se maintient à sa religion, son épreuve est plus difficile. Et s'il est souple, c'est-à-dire si son degré de foi est faible, il est éprouvé selon son degré de foi. Et le serviteur ne cesse d'être soumis aux épreuves jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans avoir aucun péché. C'est-à-dire comme le premier jour où sa mère l'a mis au monde. Il n'a aucun péché. Donc, les péchés, comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, sont un bienfait, car ils appellent à la patience et la personne, elle attend la récompense dans l'au-delà et de ce fait, il est récompensé. Et de ce fait, il est récompensé. فأين أنت يا عبد الله؟ أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأدجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح يحيى قدم رأسه لبغي وقاس الضر أيوب وعالج الفقر وأنواع الأذى والابتلاءات نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأنت تصول وتجول وتمرح وتضحك وتلهو وتلعب Tu es où ce chemin plein d'épreuves a été pris par Adam a pleuré pour sa cause Nuh, Ibrahim a été jeté dans le feu, Ismaïl a failli être égorgé, Youssef a été vendu à vil prix, emprisonné pendant des années, Zakaria a été tranché avec des scies, et le prophète alayhi salatu wasalam a goûté à différentes formes d'épreuves, pendant que toi, ya Abdallah, tu t'amuses et tu ne veux pas être éprouvé, et tu rigoles. Wa an Khabbab ibn al-Arith, radiyallahu anhu arda, قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها نصفين يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء حتى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون والحديث رواه البخاري رحمة الله عليه هذا هو حديث الاستعجال الحديث de l'empressement on est empressé متى نصر الله Quand est-ce que Allah Azza wa Jalla nous donne la victoire? Quand est-ce que Allah Azza wa Jalla va faire triompher cette religion? Et quand est-ce que l'islam prendra le dessus? Khabbab ibn al-Arith rahmatullahi radiyallahu anhu wa rahimahullah a dit nous nous sommes plaints au prophète alayhi salatu wasalam. Il était accoudé à l'ombre de la Kaaba. On lui a dit Ya Rasulallah, implore Est-ce que tu ne vas pas implorer Allah pour qu'il nous donne victoire, pour qu'il nous fasse triompher sur nos persécuteurs? Prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne la victoire. Le prophète alayhi salatu wasalam, il pouvait très bien lever ses mains et dire Allahumma mansur al-muslimin, Allahumma mansur al-mustad'afin, Allah. Wa kama ta'lamun anna du'a al-anbiya' wa al-rusul mustajab. Donc, vous savez que les invocations des prophètes sont exaucées. Le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit auparavant, on prenait l'homme, on lui creusait une fosse, on le mettait dedans, dans cette fosse. Puis, au moyen d'une scie, on la plaçait sur sa tête et on le coupait en deux. Et on passait des peignes en fer sur sa chair. On lui accrochait, hein, le peigne sur sa chair, on lui arrachait la chair, à même les os. Tout cela ne lui faisait pas renier sa religion, ne lui faisait pas renier sa foi. Il y a quoi l'imam Ibn Battal, rahimahullah, fi Fath al-Bari. إنما لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى ادعوني أستجب لكم وقوله فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البلوى ليؤجروا عليها كما جرت به عادة الله تعالى في من اتبع الأنبياء فصبروا على الشدة في ذات الله ثم كانت لهم العافية بالنصر والجزيل الأجر قال فأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. Donc subhanallah, ici Ibn Battal, en commentant ce hadith dans Fath al-Bari, il dit, le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, quand Khabbab est venu lui demander de faire dua sur les mécréants, et le prophète alayhi sallam savait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi, je répondrai à votre appel. Walakin li'annahu alima, le prophète alayhi sallam, il a su que ceci a été prédestiné, que ces épreuves que sahaba radiallahu anhum subissaient, c'était une épreuve pour qu'ils soient propres des péchés qu'ils avaient commis, pour qu'ils soient récompensés, et que c'était adatullah. Et ensuite, bi'idnillah, ils avaient le nasr, ils avaient la victoire. Et la grande récompense, wa jazilul ajr. Wa qad su'ila al-imam al-Shafi'i, il a été questionné. On lui a dit, ar-rajulu ma huwa khayrun lir-rajul, an yumakkan aw yubtala. Faqala al-Shafi'i, lan yumakkan hatta yubtala. Lan yumakkan hatta yubtala. Faqad ibtala Allah azza wa jal, Nuhan wa Isa wa Musa wa الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام فلما صبروا مكنهم فلما صبروا مكنهم. Donc l'imam Shafi'i, on lui a posé la question, c'est quoi qui est préférable, la patience dans les épreuves ou la domination? Il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? L'exercice de la domination était la position des prophètes, et on n'obtient pas la domination qu'en passant par l'épreuve. Et quand les prophètes, ils ont été patients, Allah Azza wa Jal leur a donné la domination. Quand Allah Azza wa Jal, quand ses prophètes ont été patients, Allah Azza wa Jal leur a donné la domination. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire, nous croyons, sans être éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont précédé. Ainsi, Allah connaît, pour que Allah Azza wa Jal connaisse ceux qui disent la vérité et pour qu'ils connaissent les menteurs. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu ta'liqan ala hadhihi al-aya ya'ni fitnatuhu an yartadda 'an dinihi idha udiya fi Allah wa kadha qala ghayruhu min ulama as-salaf ja'a dhalika fi tafsir Ibn Kathir. Ici, al-fitna. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ibn Abbas a dit, est-ce que, yani, la mise à l'épreuve, c'est qu'ils rejettent sa religion et qu'ils sortent de la religion et qu'ils soient apostats s'il est accablé d'épreuves dans sa religion, s'il est éprouvé dans sa religion. إذا أودي في الله قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Hajj, il dit, il en est parmi les gens, certains, qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils sont tranquilles. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi la vie ici-bas et l'au-delà. Et ceci est la plus grande des pertes. وَهَذَا هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ رَوَى الْبَغَاوِي فِي تَفْسِرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تعليقا على هذه الآية أن الرجل رجلا من الأعراب كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ولد له بعد الإسلام غلام وتناسل فيه وكثر ماله قال هذا دين حسن، هذا دين جيد، فآمن وثبت. أما إذا لم يولد له غلام ولم يتكاثر خيله ولم يكثر ماله وأصابه قحط وجدب قال هذا دين سيء، ثم خرج من دينه وتركه على كفره وعناده. ici dans تفسير البغوي ابن عباس رضي الله عنه il dit il y a des gens qui adorent Allah عز وجل marginalement. C'est-à-dire que ابن عباس il dit il y avait une personne, il y avait un homme parmi les bédouins, quand il rentrait dans la religion, s'il avait des enfants et s'il avait beaucoup d'argent, il dit quoi? Il dit c'est une bonne religion, c'est l'islam, il est bien. Donc il croit, il reste ferme dans sa religion. Et si il n'a pas d'enfant, il n'a pas de roulem, la yulad lahu roulem, ou la yulad lahu aulad, et il n'a pas beaucoup d'enfants, il n'a pas beaucoup de khayl, de chevaux, ou la miyaksur mal, ou il n'a pas beaucoup d'argent, ou asabahu qaht, et il devient pauvre, il dit quoi? C'est une mauvaise religion. L'islam n'est pas bien. Puis il sort de la religion et il devient mécréant, apostat. Il y a parmi des gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils sont tranquilles, ils sont bien. Ah, il est apaisé. S'il est éprouvé, c'est-à-dire il devient ça, il délaisse sa religion. Am hasibtum an tadkhulu al-jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvés comme ils l'ont été éprouvés ceux avant vous? Ils ont connu des malheurs et des calamités, ils ont été secoués par l'adversité au point que le prophète et ceux qui le suivaient ont demandé, c'est quand le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mata nasrullah? Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Ala inna nasrallahi qarib. Yaqulu Sheikh Shankaita rahmatullahi alayh fi adwa al-bayan anna an-nasa la yusrakuna duna fitnah ay ibtila'in wa ikhtiyar li ajli qawlihim amanna bal idha qalu amanna futinu أي امتحنوا واختبروا بأنواع البلوى حتى يتبين بذلك الابتلاء الصادق في قوله آمنا من غير الصادق. الشنقيطي رحمة الله عليه dans أضواء البيان dit que les gens ne sont pas laissés sans fitna, sans discord, c'est-à-dire les épreuves, et ils ne sont pas laissés juste pour leurs paroles. On croit. Bien au contraire, s'ils disent on croit, ils sont plus éprouvés. Ils sont éprouvés et testés avec plusieurs sortes d'épreuves jusqu'à que il soit clair, qui est le véridique dans sa parole, je crois, amenna, et qui est le menteur. Et qui est le menteur? لذلك يجب أن يوقن أصحاب هذه الدعوة دعوة إلى الله أن تسلط الطواغيت والكفار والمرتدين عليهم صورة من صور الابتلاء. Donc il faut que chacun sache que le chemin que tu suis à Abdallah, il est plein d'épines, il est plein de aqabat, plein de pentes, et que les tawarites et les kuffars seront toujours derrière toi. Et c'est une forme de b'tila. C'est une forme de b'tila, d'épreuve. Que Allah Azza wa Jal a donné cette spécificité à ses awliya. La tublaouna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'anna min alladhina outul kitab min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des mouchriquins, des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de propos désagréables. وَكَأَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ وَيَتَّبِعُونَ هَذَا الطَّرِيقِ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْدِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Et ces gens-là qui sachent que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah, on croit en Allah, puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Est-ce que ce que les gens te font souffrir, tu le compares au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wallah, hada qalil. Hada qalil. Wa hada ahwan. Wa rahimallahu Cheikh Shanqiti, حينما قال يعني أن من الناس من يقول آمنا بلسانه فإذا أودي في الله أي أذاه الكفار جعل فتنة الناس صارف له عن الدين إلى الردة والعياذ بالله كعذاب الله فإنه صارف رادع من الكفر والمعاصي ومعنى فتنة الناس الأذى الذي يصيبه من الكفار وإذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنة. Des paroles en or. Cheikh Al-Shanqiti, rahmatullahi alayhi, dit, parmi les gens, il y en a qui disent, est-ce qu'il y en a qui disent, nous croyons en Allah, puis si on leur fait souffrir, on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Il dit que les gens, est-ce que les gens croient, qui vont dire Amen avec leur langue, ils disent Amen avec leur langue, et quand ils sont éprouvés, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sous l'emprise des kuffars, il rend la fitna de ces découffards, elle le pousse à sortir de la religion vers l'apostasie. Voilà, yadou billah. Ensuite, le cheikh il dit, wa idha ul kuffar al mu'minin, le fait que les kuffars font du mal et sont injustes et combattent les croyants est une forme de btila, est une forme d'épreuve et c'est une forme de fitna que le croyant doit faire face et doit patienter. Hada huwa fi معنى الصبر واليقين وكل شيء يبدو صغيرا ثم يكبر كل شيء يبدو صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة تبدو كبيرة ثم تصغر toute chose comme vous le savez commence petit un enfant il naît petit puis il grandit jusqu'à qu'il devienne âgé tu plantes une plante au départ c'est une graine elle devient un arbre et ainsi de suite, sauf les épreuves. Elle commence avec une grandeur, puis elle diminue, puis elle diminue, puis elle diminue, jusqu'à qu'elle disparaisse. Jusqu'à que cette fitna et ces épreuves, bi'idnillah, disparaissent. Et chaque chose a un début, et chaque chose a une fin. Chaque chose a un début, et chaque chose a une fin. نكتفي بهذا القدر نلتقي بإذن الله في حصة مقبلة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.